Chapitre 2. J'ai dormi et je dormirai encore volontiers lorsqu'un doigt discret se pose sur mon bras. Mon heure de faction est venue. C'est José qui me réveille. Il s'étend à ma place, tandis que, marchant avec précaution, je me rapproche du point où l'on domine la vallée en face de laquelle je m'assieds. Quel troublant silence autour de moi! Aucun bruit ne vient de la forêt ni de la plaine, que la lune, presque dans son plein, éclaire avec netteté. Tout ce que j'ai vu la veille, noyé dans une lueur vivante d'incendie, est maintenant enveloppé d'une lumière blanche, uniforme, fantastique. Les palmiers, les buissons, les cactus, le sol ont une même teinte argentée, et sur le dernier se découpe, noire et vigoureuse, l'ombre des arbres à feuillage épais. Il est mélancolique ce paysage qui me porte à croire que j'ai changé de planète, que je suis dans un monde aussi mort que l'astre qui, par ses pâles reflets, me donne cette illusion que complète le silence. Après une longue contemplation de cet immobile tableau, je suis pris d'un besoin instinctif de sentir vivre autour de moi et je me tourne vers mes compagnons. Tous dorment et mon regard s'arrête sur Lina, roulée dans sa couverture blanche. Je tressaille. La jeune fille, couchée sur le côté, semble couverte d'un linceul qui, de son corps charmant, ne dessine que la rondeur de la hanche. Yaha, José et Lucio, dont je ne vois pas le visage, me semblent eux aussi des corps privés de vie. Il n'est pas jusqu'à Martin qui, étendu sur l'herbe dont il s'est repu, ne me présente une image de la mort. Une heure s'écoule, heure durant laquelle je lutte, bien qu'éveillé, contre une suite d'hallucinations incohérentes, voire de cauchemars dus à la fatigue, à un impérieux sommeil incomplètement satisfait, aux piqûres envenimées des insectes qui me donnent la fièvre et doublent ma soif. Je me lève, je me promène, je fais appel à ma volonté et me ressaisis enfin. Je concentre alors mon esprit sur cette importante question de l'eau que, le jour venu, il nous faut trouver à tout prix. J'écoute avec attention. J'appuie mon oreille contre le sol contenant ma respiration avec l'espoir de la sentir frémir ou vibrer. Rien. Pas le moindre ébranlement n'est sensible et je reste grave, tourmenté. Nous avons la veille un peu à la légère. Mais comment résister à la tentation? Épuiser la dernière gorgée de liquide que contenaient nos gourdes et aucune rumeur de l'air, aucun tressaillement du sol ne m'a révélé, ainsi que j'en avais l'espoir, qu'un ruisseau gazouilleur, transformé en torrent, tombe en cascade dans la plaine. Et hélas, elle est une question de vie ou de mort, cette question de l'eau, à laquelle ma bouche sèche me ramène avec persistance et qui domine toutes mes pensées. Peu à peu, cependant, je m'aperçois que Yaha, Lucio ou José, dont les oreilles plus subtiles et plus exercées que les miennes comprennent mieux les bruits incertains des solitudes, ont saisi, à l'heure de la veillée, quelque indice révélateur. En tout cas, je sais que la rivière d'Amatlan, qui coule à notre droite, ne peut être qu'à une journée de marche de nous. Je me surprends, en outre, à compter sur Martin, qui, sans sorcellerie, sans autre baguette divinatoire que son infaillible instinct, saura bien, lorsque le soleil éclairera l'horizon, nous découvrir, à défaut de rivière ou de source, quelques mares ou quelques flaques d'eau. Le solennel, disons le mot vrai, l'effrayant silence qui m'inquiétait durant ma veillée, est soudain rompu par le cri d'un oiseau logé au-dessus de moi, cri auquel un autre a soudain répondu. Quelques minutes s'écoulent et une mince ligne de lumière orangée se montre au ras du sol, sépare nettement, brusquement, la terre du ciel. Tous mes compagnons ouvrent les yeux. Nous échangeons des saluts. En un moment, la vallée se transforme. Rouge au coucher du soleil, argentée durant la nuit. Elle est maintenant dorée. Le soleil jaillit, c'est bien le mot, jaune et sans rayons. Il monte, rapide, dépasse la couche d'air imprégnée d'humidité qui le découronne, et nous voilà noyés, nous et tout ce qui nous entoure, dans ces feux éblouissants, ardents. Des bruits divers résonnent dans la forêt. Martin fait entendre ses souffles sonores. À ces sons inaccoutumés, peut-être inconnus pour eux, les rares oiseaux qui gazouillaient autour de nous fuient. Nous nous hâtons de nous équiper et Yaha, dont les épaules sont déjà chargées, se lance sur la pente. L'Indien étudie la voie que devra suivre Martin, auquel il faudra imposer deux voyages. Pendant ces préparatifs, Lina tresse en hâte ses longs cheveux, rajuste ses sandales, puis s'avance vers moi. Les plis de sa tunique de coton écru, de son nu épile dont les longues manches ouvertes laissent nus ses beaux bras et qui dessinent son jeune corps aux formes élégantes, me font songer à une statue grecque. Elle se couvre les épaules de sa couverture blanche, dont elle se fera un capuchon lorsque le soleil planera au-dessus de nos têtes à l'heure de midi. La descente dans la plaine a été laborieuse, surtout pour le pauvre Martin que sa charge, bien qu'allégée de moitié, entraînait en se déplaçant. Yaha, après un scrupuleux examen de l'horizon, a déclaré que pour trouver plus vite de l'eau, notre capitale préoccupation, nous devrons appuyer sur notre droite. Du reste, j'ai remarqué, et cette observation est, je crois, celle qui guide le vieillard, que les rares oiseaux qui passent au-dessus de nous volent à tire-d'aile dans cette direction. D'autre part, Martin, que j'ai à plusieurs reprises essayé d'entraîner vers le nord, a toujours obstinément refusé d'avancer dans cette direction. Or, pour l'heure, il doit, tout comme nous, n'avoir qu'une seule idée en tête, Martin, celle de boire. Il est donc sage de lui céder, car bien que domestiqué, c'est-à-dire civilisé, il a encore quelques lueurs de l'instinct primitif et infaillible de tous les êtres et que l'homme a perdu. Nous voilà en marche. Yaha et Lucio en éclaireur et Lina, selon sa coutume, lorsque le terrain le lui permet, trottinant à mon côté. Il est encore l'heure où la chaleur est tolérable, où l'on peut causer sans trop d'efforts. Elle ne sait rien du monde, Lina, rien des intérêts et des passions qui agitent les hommes. Elle vit de sentiments, d'impressions, de caprices, un peu comme les libres papillons ou les oiseaux. Elle ne creuse rien et du reste, il n'y a rien à creuser. Elle ne connaît d'autres miroirs que ceux de l'eau des sources, d'autres parures que les fleurs et les plumes d'oiseaux, et ses idées sont peu compliquées. Elle comprend l'amitié, mais pour son esprit de 17 ans qui, sous les tropiques, équivalent pourtant à 20, le mot amour ne représente encore rien de particulier. Elle ne l'applique qu'à Dieu, à la Vierge, à Jésus-enfant. Aussi je la fais volontiers causer, amusée par ses réponses enfantines, par ses idées originales ou naïves, par sa candide et loyale franchise, qui me laisse lire jusqu'au fond de son âme azurée comme le ciel et comme lui aussi, semée d'étoiles d'or. Avant notre départ, nous avons constaté une fois de plus que Severino semble avoir renoncé à sa poursuite. Et tout en cheminant, nous parlons de lui avec ma compagne, qui ne le nomme jamais que les sourcils froncés, avec plus de colère que de crainte. « L'as-tu donc haï d'instinct ?» lui dis-je. « Haï ? Pourquoi l'aurais-je haï ?» me répond-elle. « C'est le premier métis que je voyais, et ma curiosité était vive. Son costume, ses longs cheveux qui lui donnaient une tête trop grosse, ses jambes en cercle qui l'empêchaient presque de marcher, me surprenaient. Depuis, grand-père m'a expliqué que tous les hommes élevés à cheval ont les jambes ainsi contournées. Cependant, quelque chose m'inquiéta dès sa première visite, son regard fixe qui ne se détachait guère de moi. Lorsqu'il me parlait, il m'effrayait moins. Sa voix tremblait un peu et ce qu'il disait était doux à entendre. Que te disait-il donc ? Qu'il avait vu beaucoup de jeunes filles dans les villages et les villes qu'il connaissait et que j'étais de toutes celles qu'il avait rencontrées la plus jolie. Tu sais ce que c'est qu'être jolie ? Il me l'a appris. C'est, d'après lui, avoir de longs cheveux, de grands yeux, une petite bouche avec des dents blanches et être grasse. Ne te disait-il que cela ? Il vantait aussi mes pieds et mes mains, ma façon de marcher, de parler, de sourire. Il me répétait qu'il voulait me conduire dans une ville, me faire vivre dans une maison de pierre, m'acheter des colliers et des anneaux, se marier avec moi. Tu acceptais ? Je ne disais pas non. Il te plaisait ? Pas beaucoup. Toutefois, je lui savais gré de me répéter que si je me montrais au milieu d'autres femmes, j'apparaîtrais là non seulement comme un soleil entouré d'étoiles, mais que les hommes, tous les hommes, voudraient se marier avec moi. Je l'écoutais, croyant bien qu'il mentait. « Je sais à présent, » ajouta Lynn, qui me regarda souriante et avec malice, « qu'il disait la vérité. »« Comment le sais-tu ? » me suis-je écrié. « Parce que toi aussi, le lendemain de ton arrivée, et plusieurs fois depuis, tu m'as déclaré que je suis belle. » Or, ton compagnon Lucio, qui ne t'a pas entendu me le dire, qui n'a pas non plus entendu Severino, me parle comme toi, me regarde comme toi, me sourit comme toi. Lina se tait, marche épanouie, rêve, puis reprend. Il est gentil, ton camarade Lucio, et bien que les choses qu'il me dit ressemblent à celles que me répétait Severino, il les dit mieux. Il te plaît ? Beaucoup. L'aimes-tu donc ? Oui. Autant que ton frère ? Oui, mais pas de la même façon. En quoi consiste la différence? Quand Lucio me regarde, il m'embarrasse. Lorsqu'il me parle, mon cœur bat. Quand ses doigts touchent les miens, je frissonne. Quand je le vois triste, il me donne envie de pleurer. Il me fait peur et il m'attire. Le voir, le regarder, l'entendre sont pour moi des bonheurs. Lorsqu'il me dit à voix basse que je suis belle et qu'il m'aime, je crois être dans le paradis. Lina se tait de nouveau, m'oublie visiblement, puis, d'une voix émue, elle reprend. Lorsque, me tenant prisonnière dans le nœud de son lasso, Severino se rapprocha de moi et me prit dans ses bras, je demandai à la Vierge de me faire mourir ou de me rendre les mains libres. Dans quel but? Celui de frapper le brutal au visage, puisqu'il résistait à mes prières, de l'obliger à me lâcher. Tes poings trop mignons n'auraient pas eu cette puissance. Qui sait? Lina s'est redressée, ses narines se sont gonflées, ses sourcils se froncent, son regard devient brillant. Et au souvenir de la scène évoquée, son corps frissonne. Elle étend ses bras, ses mains sont crispées. Oh, la belle Némésis! Peu à peu, son agitation s'apaise, ses nerfs se détendent. Je reprends. Et si Lucio, qui te plaît, que tu avoues aimer, essayait de t'embrasser? Lucio, répond la jeune fille, sans me laisser achever, et dont le visage s'éclaire, ne fera jamais cette vilaine chose de m'enlacer dans le nœud d'un lasso, de me tordre les bras, de me regarder avec des yeux de bête. Ils sont doux, les yeux de Lucio, ils caressent et ne font pas peur. Alors, si au lieu d'employer la violence, Lucio te demandait de s'appuyer sur ton cœur, de te laisser serrer entre ses bras, ou de le prendre dans les tiens pour l'embrasser, tu lui obéirais? Il ne me le demandera pas. S'il t'en priait en se disant malheureux, très malheureux, je pleurerais du chagrin de l'affligé, mais je lui apprendrai ce que m'a dit autrefois ma mère, que la femme qui se laisse toucher, étreindre ou embrasser par tout autre homme que son mari fâche à la fois Dieu et la Vierge et va, à l'heure de sa mort, droit en enfer. Tu ne lui céderais pas? Non, même si je devais en mourir. Derrière notre vie d'un jour, il y a celle qui est éternelle, et c'est celle-là que je veux avec Lucio. En ce moment, je vois mon guide et Yaha s'arrêter, me tourner pour me faire signe d'accourir. Mon guide a saisi son fusil, l'arme. Je m'élance, et n'ai pas à demander d'explication. En voyant un cavalier abrité à l'ombre d'un palmier nous regarder venir, en sentant Lina, qui m'a suivi, se cramponner à mon bras, puis me dire, frémissante, « Severino !»